Prince un père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Chloé Delhomme et je vais vous raconter l'histoire d'Héloïse, Artémis et le sort premium. Dans le square des Lilas, il y a un vieux chêne. Et en ce moment même, le tronc de ce vieux chêne reçoit des tas de coups de pied. Des coups de pied, carrément. Quelqu'un se défoule sur lui. Ce quelqu'un a 8 ans et c'est une petite fille. Elle s'appelle Héloïse. D'habitude, cet enfant ne se fait pas remarquer. Pourtant, c'est Héloïse. Et elle est en colère, une énorme colère, une colère qui déborde. Elle donne des coups de pied dans le tronc du vieux chêne en criant des gros mots qu'il ne vaut mieux pas entendre, encore moins répéter. Ni ici, ni ailleurs. Espèce de crotte qui pue, espèce de crotte de nez. Bien sûr, l'arbre ne dit rien. Les arbres ne disent jamais rien. Quand on grave dans leur tronc des mots ou des prénoms à la pointe d'un canif, leur sève coule en silence. Malgré l'écorce à vif, les arbres ne se plaignent pas. Et quand une petite fille vient passer sa colère en rouant un vieux chêne de coups de pied, personne ne prend sa défense. Sauf maintenant, justement, dans le square de la rue des Lilas. Une femme en jogging blanc interpelle Héloïse. Elle tient en laisse 7 chiens, de minuscules chihuahuas, à poils ras et poils longs, qu'elle détache aussitôt. Et toi là ? Il t'a fait quoi, ce chêne, pour mériter une telle raclée ? Héloïse est surprise et un peu effrayée. Les chihuahuas l'encerclent. Même s'ils sont minuscules, ils aboient et ils grognent. Quand Héloïse a peur, elle copie les manières de son cousin Erwan, qui est un dur à cuire. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Vous êtes de la police ? Mais quelle impertinence, les gamines de ce siècle, je ne m'y ferai jamais. Oui, je suis de la police, en quelque sorte, oui, oui. Je m'appelle Artémis, déesse protectrice de la chasse, de la lune et des forêts, entre autres. Et je n'aime pas tellement qu'on maltraite un arbre. Ce chêne, il t'a fait quoi ? Héloïse a très peur et aussi un peu honte. Elle a les larmes aux yeux et regarde ses chaussures. On fait moins la maline ? Lui jappe le chef de meute à un chihuahua blanc à poils ras en lui mordillant les lacets. Héloïse se demande si ce n'est pas un cauchemar. Pour qu'un chihuahua parle et qu'une déesse la gronde, c'est qu'elle a dû s'endormir en classe pendant le cours de dessin. Elle doit encore être à l'école, la tête enfouie dans le creux de son bras, le crayon dans la main. Sur son portrait de chameau, elle dort. Elle n'a pas fini son dessin. La maîtresse n'a pas encore préféré le cheval ailé de Guillaume ni l'oiseau lyre de Léonie. Ses dessins jamais affichés, Héloïse tellement en colère, elle n'a pas couru en sortant, ne s'est pas précipitée dans le parc, ne s'est pas défoulée sur le vieux chêne. Le chien la mord un peu plus fort et Artémis se radoucit. Tu ne rêves pas, petite fille. Je suis bien une déesse et je vois tout en toi. N'aie pas peur, Héloïse. Demande pardon à l'arbre et nous pourrons t'aider, ajoute le chef des chihuahuas en sautant dans les bras d'Héloïse qui ne s'y attendait pas du tout. Héloïse, terrifiée, demande pardon au vieux chêne qui ne lui répond rien. Le chihuahua en chef lui lèche soudain le visage. Héloïse se détend. C'est un gentil petit chien, un mignon petit chien blanc avec d'immenses oreilles qui couine en lui lapant les joues. Puis quitte ses bras pour déclarer à son Artémis de maîtresse. Elle a pleuré de drôles de larmes, légèrement plus salées que celles qui coulent des yeux quand le cœur a de la peine. Le chagrin d'Héloïse, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la frustration. Artémis regarde Héloïse, Héloïse regarde le chien dit « Elle est petite, mais surtout très moyenne, vraiment moyenne en tout. Jamais été première. C'est ça qui lui remplit le sang et le cœur d'amertume. Les humains, ma déesse, sont sujets à l'aigreur. » Héloïse ne comprend pas tout, Mais ce dont elle est certaine, c'est qu'elle ne veut pas que son sang se retransforme en vinaigre, que l'intérieur la brûle, que dans ses tempes ça cogne aussi fort que tout à l'heure. Alors Héloïse confirme. « Je suis jamais la première, c'est vrai. C'est trop injuste. La première en rien, nulle part, jamais. Ni à l'école, ni en dessin, ni à la danse, en sport, jamais, nulle part. Même pas à la maison. Ma sœur Ninon est née 2 ans avant moi. » Et tu crois que si tu étais la première en quelque chose, quelque part, tout le temps, la première en tout, ça te rendrait heureuse ? Demande en souriant Artémis. « La première, oui, la chouchoute. Mais ce n'est pas vraiment la même chose. Elle veut être traitée en première, ma déesse, intervient le chihuahua en chef. La première de la classe pour première classe. Première de la classe pour première classe. » Les gamines de ce siècle, je ne m'y ferai jamais, s'exclame la déesse, mais après tout, si ça peut la calmer. Prépare la meute, formation en pentacle, je vais lui lancer le sort premium puisqu'il est le plus adapté. Les chiens se positionnent sur leurs pattes arrière, en étoile, autour d'Héloïse qui doit fermer les yeux. La déesse prononce alors une formule en grec tellement ancien qu'il peut sembler intraduisible. Mais ça veut dire « Par mes propres pouvoirs, désormais cet enfant, catégorie premium de la vie et client. » Un souffle chaud, de la poussière d'or, quelque chose enveloppe Héloïse. Et puis Artémis et ses chiens disparaissent avec le soleil. Héloïse vient d'ouvrir les yeux et le petit parc est désert, comme la rue des Lilas et le boulevard des Saules. Héloïse rentre chez elle. À peine à la maison, la voilà accueillie comme une princesse revenue d'un voyage très lointain. Ses parents et sa sœur, pour elle, sont aux petits soins. Héloïse, prends donc mon fauteuil. Héloïse, tu veux du dessert ? Ninon, laisse ta sœur choisir le programme télé. Héloïse est ravie de ce sort premium. Elle se couche un peu gênée tout de même d'avoir pris le lit de sa sœur en haut de la mezzanine. Ninon a beau être d'accord parce qu'Héloïse est la meilleure, ça lui fait un pincement au cœur. Et quand elle lui souhaite une bonne nuit, Ninon a la gorge serrée. Héloïse est bien ennuyée, mais elle aime tant le lit du haut, elle s'endort enchantée très vite. En fait, c'est surtout le lendemain, à l'école, que la puissance du sort premium se révèle drôlement efficace. Dès le portail franchi, dans la cour, tous les élèves se retournent au passage d'Héloïse, qui devient le sujet de toutes les discussions. Héloïse est si belle et si bien habillée. Héloïse est si drôle et si intelligente, la première de l'école, en tout, au-dessus des autres. Héloïse n'avait pas appris sa leçon de mathématiques. La table de multiplication de 8, interrogation sur ardoise. Combien font 8 x 6, 8 x 7, 8 x 8 ? Héloïse n'en sait rien du tout. Elle répond au hasard, 42, 54, 68. Ses réponses sont toutes fausses, Héloïse le sent bien. D'ailleurs, la plupart de ses camarades, comme Guillaume et Léonie, ont écrit 48, 56, 64. Et pourtant, la maîtresse la félicite très fort et la cite en exemple. Toute la classe l'applaudit. Quand Léonie et Guillaume lui disent bravo, ils ont la gorge aussi serrée que celle de Ninon hier soir. Héloïse n'aime pas leur tristesse. Elle sait qu'elle en est responsable. Pareil, toute la journée. C'est pire que de la triche. Héloïse se sent mal. Au foot, elle ne marque pas de but. Mais à la fin du match, c'est elle qu'on ovationne. Du coup, dans les vestiaires, tous les autres joueurs pleurent. Si le chien d'Artémis venait lécher leurs larmes, il y trouverait le goût salé de l'injustice. Pareil, toute la journée. Sa dictée pleine de fautes, sa peinture franchement moche. Quoi qu'elle fasse, on l'acclame au détriment des autres. Ceux qui n'ont pas fait de faute ou dont le portrait d'un mouton ne ressemble pas à un monsieur patate. Mais le sort premium est efficace et Héloïse toujours félicitée. Histoire. Napoléon était un roi breton. Géographie. Les Alpes sont une colline de Corse. Elle a toujours raison. C'est pire que de la triche. Héloïse trouve ça mal, elle aimerait que ça s'arrête. SVT, les lapins pondent des œufs le jour de Pâques. Ça devient ridicule. Alors, dès que la cloche sonne, Héloïse court, court jusqu'au parc, espérant sous le vieux chêne retrouver Artémis. La déesse y est bien, sous le chêne, avec ses chiens. Elle a l'air amusée quand elle voit Héloïse. Alors, mon sort premium, il marche bien, n'est-ce pas? Surtout quand on n'a pas appris ses leçons à l'école, rigolent les chihuahuas en se roulant par terre. Tellement bien que c'est horrible. Je peux dire ou faire n'importe quoi, tout le monde trouve ça génial. Mais c'est ce que tu voulais, être surclassée tout le temps. Sauf que je le mérite pas, du coup tout est bizarre. Pour les autres, c'est injuste, je voudrais que ça s'arrête. S'il vous plaît, c'est pas drôle. Voilà qu'elle pleure maintenant. Les gamines de ce siècle, je ne m'y ferai jamais. Bon, d'accord, je vais lever le sort. Mais d'abord, promets-moi de ne plus frapper les arbres et de te souvenir de tout ce qu'il s'est passé. Héloïse essuie ses larmes et accepte le marché. Elle n'aura plus envie de se mettre en colère, ni d'être la première sans l'avoir mérité. Depuis, il paraîtrait qu'elle apprend ses leçons et laisse Ninon tranquille. Elle est très bien comme ça, en bas de la mezzanine. Pour grimper sur son lit, pas besoin d'une échelle, elle grandira bientôt. Mais c'est une autre histoire. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, au lit. Non, Ninon.